إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication du livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. C'est l'explication de la croyance des gens de la sunna et de la jama'a. Et c'est le livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et donc on a terminé, on est dans la terminaison de l'explication de Ayatul Kursi et des points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi. Et après avoir mentionné les fawa'id, les points bénéfiques de Ayatul Kursi, eh bien, le cheikh il a commencé à mentionner les preuves de Al-Ulu, c'est-à-dire les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création, puisque un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est Al-Ali. Al-Ali, hein, c'est-à-dire le Très-Haut, et Al-A'la, c'est-à-dire le plus haut, hein, le plus élevé. Et on a mentionné les preuves du Coran et les preuves de la Sunna. Et on a mentionné les preuves de la raison. Et on a mentionné les preuves de l'ijma'. On a mentionné les preuves également, yani la dernière qu'on avait mentionné, c'était al-fitra, la preuve de la fitra. Et par rapport à la fitra, on a mentionné le fait que lorsque quelqu'un il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a besoin de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier si par exemple il a une situation de difficulté ou de détresse, il va automatiquement instinctivement lever les mains vers le ciel. Instinctivement lever les mains vers le ciel. Taïb, on était en train d'expliquer donc que parmi les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de tout, au-dessus de sa création, et qu'il est le plus haut. On a mentionné à ce sujet, comme le cheikh l'a mentionné, les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, les preuves de l'ijma, les preuves de la raison et les preuves de la fitra. Et parmi les exemples qui ont rapport avec les preuves de la fitra, c'est-à-dire la nature saine, l'instinct saine, qu'est-ce qui est profondément inscrit dans l'âme de l'homme. On a mentionné à ce sujet le fait que lorsque quelqu'un a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou lorsqu'il a besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les situations de détresse ou de danger ou les situations ordinaires, il est instinctivement et naturellement poussé par le fait d'élever les mains vers le ciel et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains vers le ciel. Et ça, c'est une preuve que il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et le cheikh il cite à ce sujet-là une anecdote, et il dit wa qad ijtama'a bi unasun min ha'ula'i alladhina yaquluna wal 'iyadhu billah inna Allah bi dhatihi fi kulli makan. وكان ذلك يوم النحر في منى فقلت لهم أنتم أمس في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله تقولون يا رب، يعني أيديكم إلى الأرض أو يمينا أو يسارا؟ قالوا لا، نقول يا رب برفع أيدينا إلى السماء. إذن رفعتم أيديكم إلى من تدعونه؟ قالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، قبلة الداعي. فانظر الشيطان كيف لبس عليهم، سبحان الله. فأنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو، يعني قبلتك الكعبة وليست هي قبلة الداعي، ولكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك ولا يحتاج إلى تحريك. إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي مختلف فيه، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط. Donc le cheikh il mentionne cette anecdote. Il dit que une fois ils étaient dans le Hajj et certaines personnes sont venues le voir, et il dit que ces gens-là, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve, ils faisaient partie de ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout par sa personne et son être, c'est-à-dire que il est en tout lieu et en toute chose et partout, hein, par son être et sa personne. Et ça, c'est comme on sait, il n'y a pas de doute que ça, c'est du kufr et du shirk de croire ça. Et on sait très bien que lorsque on dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe où nous sommes, hein, il nous voit, il nous entend, ça c'est ce que signifie en fait le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, par le fait qu'il nous voit, par le fait qu'il nous entend, par le fait qu'il sait, hein, ce qu'on fait. Il connaît notre état et notre situation. Donc il est avec nous par sa science, il est avec nous par son ouïe, il est avec nous par sa vue, mais il n'est pas, hein, par son être et par sa personne en tout lieu et en toute chose. Mais par contre, certains égarés parmi les Jahmiya et parmi les Soufiya, eh bien eux, ils pensent ou ils disent que Dieu est dans toute chose et qu'il est partout. Ça, comme on l'a dit, c'est une parole d'égarement. Et donc, un groupe d'entre ces personnes qui croient en cette fausse croyance sont allés voir Cheikh Ibn Uthaymeen, et il dit que c'était le jour du sacrifice à Mina. Et le Cheikh, il leur a posé la question, il dit, vous étiez hier à Arafat? Ils ont dit oui. Il a dit, et comment est-ce que vous invoquiez Allah? Vous disiez, hein, Ya Rab, et vous leviez vos mains vers le ciel, ou bien vers la terre, ou bien à gauche ou à droite. Et ils ont dit non, on levait nos mains vers le ciel. Alors le cheikh leur a dit, donc si vous leviez vos mains vers le ciel, ça veut dire que vous leviez vos mains vers celui que vous invoquez. Ils ont dit, on élevait uniquement nos mains vers le ciel parce que le ciel, c'est la direction pour la personne qui fait des invocations. Alors regarde comment le cheikh dit, regardez comment le shaitan a confus ces gens-là et a mélangé ces gens-là dans leur religion. Subhanallah. Alors il dit, toi aujourd'hui, si tu fais, hein, si tu te tournes vers la Qibla, hein, lorsque tu te tournes vers la Qibla et que tu fais un dua, ta Qibla, c'est la Kaaba. Hein, c'est pas la Qibla pour celui qui fait le dua. Hein. Donc il dit, mais tu lèves tes mains vers celui que tu invoques, et il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de doute à ce sujet. Puisque quand tu te tournes, tu fais le dua, tu te tournes vers la Qibla, mais tu lèves tes mains vers le ciel, malgré tout. Hein? Et ça, c'est pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il est au-dessus de sa création. Et donc, en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé par, yani, dans le sens qu'il est, au-dessus de. C'est-à-dire le sens de Al-Ulu, on a expliqué qu'il a trois significations. On a expliqué qu'il est, qu'il est élevé, يعني, il est élevé par le respect qu'il a et l'estime qu'il a, et par sa valeur et son statut et sa grandeur et son respect. Hein, tout ça, c'est des sens que tous les musulmans sont d'accord et tous les musulmans acceptent cette signification-là. Par contre, en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé lui-même par son être et sa personne, comme on l'a expliqué, hein, qu'il est au-dessus de sa création et au-dessus, hein, de toute chose, eh bien, cette signification-là, certains parmi les musulmans ont dévié à ce sujet-là et ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas affirmé. Et donc, le cheikh dit que les gens se sont divisés par rapport à cet aspect-là, le fait que Allah soit au-dessus de sa création, hein, par son être et sa personne. Ils se sont divisés en trois groupes. Deux groupes qui sont dans les extrêmes et un groupe qui est dans le juste milieu. Et donc, le cheikh, maintenant, il va expliquer en détail ce que signifie, yani, cette divergence-là ou cette division-là et ces trois groupes-là et qu'est-ce qu'ils représentent. Donc il parle en premier du premier groupe, il mentionne le premier exemple, parmi les deux groupes d'extrêmes, le premier extrême c'est le suivant. طَرَفٌ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ جِئْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاللَّهُ فِيهِ أو في السوق أو في البر أو في البحر أو في الجو أو في الأماكن القذرة أو في جوف الحيوانات الحمير والكلاب فالله فيه أعوذ بالله فهم يقولون إنه في كل مكان نسأل الله العافية وهذا كفر لا إشكال فيه ولو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من 80 جلدة فكيف الله عز وجل ولكن هؤلاء زين لهم سوء أعمالهم فهؤلاء قالوا الله في كل مكان. Donc le premier groupe, le cheikh il explique que c'est le groupe qui disent que Allah est partout et dans tout. Et donc ces gens-là ils disent, si tu viens à la mosquée, Allah est dans la mosquée et il est dans le souk, il est dans le marché et il est dans la campagne et il est dans la mer et il est dans les airs et il est dans les endroits sales et il est à l'intérieur des animaux, dans les ânes et les chiens. Wal'iyadu billah. Allah, il croit que Allah est partout. Une fois j'ai rencontré un de ces soufis là, hein, un des soufis qui croit en cette croyance de Wahdatul Wujud, et il disait que Allah est dans toutes choses, hein. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les porcs? Et là il a fait un sourire, il n'a pas voulu répondre, hein. Donc c'est pour dire que il savait que cette position, il réalisait qu'il pouvait pas oser dire ça, hein, parce que c'est inacceptable. Mais c'est ce qu'il croit réellement. Wal'iyadhu billah. Donc le cheikh il explique que si tu disais cette parole à propos de n'importe quelle personne, parce qu'il dit ça c'est une parole de kufr, une parole de mécréance, de croire que Allah est partout et dans toutes choses. Mais d'ici, tu disais ça et tu décrivais quelqu'un de cette façon, yani peut-être qu'il va te flageller plus que 80 coups de fouet. Hein? Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu le décris de cette façon? C'est totalement inacceptable. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc par exemple, tu dis à quelqu'un, toi t'es dans les ports et dans les endroits sales, hein? Dans les latrines, dans les toilettes ou dans les choses comme ça, il va pas aimer qu'on le décrive de cette façon. Alors que dire de celui qui dit ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est encore pire. Et donc il dit, mais par contre ces gens-là, on leur a embelli le mal de leurs actions. On leur a embelli le mal de leurs actions. Alors ils disent que Allah est partout. Nasallallahu al-afiyah. Et c'est la même parole que les paroles des chrétiens et des hindous, hein. Ils ont la même croyance. Parce que les chrétiens, ils disent que Allah est dans Jésus, hein. Il s'est incarné en Jésus. Il est devenu un avec Jésus ou des trucs de ce genre. Et tout ça, c'est des paroles de kofr. Hein? Et celui qui dit qu'Allah est partout, il est pire que les chrétiens, parce que les chrétiens disent qu'Allah est en Jésus seulement. Tandis qu'eux, ils disent qu'Allah est dans tout, et dans toutes choses, dans toutes les créatures, dans les bons et les mauvais, hein? Dans les purs et les impurs. Alors, c'est encore plus grave. Et également les hindous, ils ont la même croyance, hein? Le panthéisme, qu'est-ce qu'ils appellent le panthéisme? C'est-à-dire, ils croient que Yani, il croit que tout est Allah. Hein? Tout ce qui existe, c'est Dieu. Et que Dieu est dans toute chose, ou que tout est une manifestation de Dieu. Donc quand ils prient devant une statue, ils disent c'est une manifestation de Dieu. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont autant de dieux, parce qu'ils disent de toute façon, tous ces dieux-là, en fait, c'est des manifestations de Dieu. Hein? Donc tout ça c'est du shirk et du kufr. Wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça que yani, l'islam condamne ce genre de croyances. Et c'est pour ça que l'islam, comme on va le voir, yani, la position pour l'islam, dans l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partout, hein, par son être et sa personne, plutôt il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Et il n'est pas mélangé avec sa création. Et avec ses créatures. Le deuxième extrême, le deuxième groupe à l'autre opposé ou à l'autre extrême du premier, ceux qui disent que Allah est tout ou partout, eh bien, il y a l'autre extrême, c'est ceux qui disent que Allah est nulle part. Hein, subhanallah. Donc le premier dit Allah est partout et dans tout. Le deuxième extrême, le deuxième groupe, eux ils disent Allah il est nulle part. Hein? Et le cheikh il dit فقابلهم طائفة أخرى قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم ولا مباينا للعالم ولا محايثا ثم سردوا يعني نفيا كثيرا وحقيقة قولهم العدم ولهذا قالوا ولهذا قال محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولهذا قال محمود بن سبكتكين محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا قال بين لنا الفرق بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدوم فلا فرق ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله لو قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف. Donc on va traduire ça. Ça c'est pour expliquer donc l'autre extrême, l'autre groupe par rapport au premier. Le premier, on en a parlé. Le deuxième groupe parmi les trois groupes que le cheikh a mentionné, on a dit il y a deux groupes qui sont dans deux extrêmes, puis celui qui est dans le juste milieu. Le premier groupe, la plupart de ceux qui disent que Allah est partout et dans toutes choses, c'est les soufiyas. Soufiyas, al-hululiyya, wa ashab wahdat al-wujud. Et quand on dit les soufis, yani, c'est en particulier les turuq, les gens qui sont dans les différentes confréries de soufis. Et c'est pas une tariqa en particulier par rapport à d'autres, hein, parce que quand vous parlez avec des soufis, ils ont toujours tendance à vouloir dire que tous les soufis sont pas pareils, qu'il y en a qui sont sur le qui ont des croyances fausses, mais il y en a d'autres qui sont corrects. Il faut savoir une chose de base à propos des soufis. Et à propos des turuq soufiyya, et cette chose c'est quoi? C'est que toutes les turuq soufiyya qui existent aujourd'hui, sans exception. Toutes les turcs soufis qui existent aujourd'hui, sans exception, elles ont toutes cette croyance. Barakallahu fik. Elles prônent toute cette croyance en Wahdatul Wujud et Al-Hulul et ses différentes croyances. Sans exception. Sauf que ce n'est pas tous les soufis qui sont dans ces turuqs qui sont peut-être au courant de ces détails-là. Parce que dans les turuqs soufis et dans le soufis, chez les soufis, il y a des différents degrés. Hein, et le commun des soufis, le débutant, le mourid, qui vient juste de rentrer dans la tariqa, peut-être que lui, il ne connaît pas les petits détails comme ça ou les aspects de ces croyances-là. Mais c'est clair que les soufis qui sont à la tête des croyances soufis et qui sont à la tête des turuqs, eux, ils connaissent ces choses-là et ils croient en ces choses-là et ils appellent à ces choses-là. Et ça, c'est du kufr et du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Il y a l'autre groupe que le cheikh il a décrit, c'est les Jahmiyyah. Mais il y en a aussi, on les retrouve aussi chez des groupes contemporains comme les Asha'ira, les Maturidiyah, les Ahbash, hein, la secte des Ahbash. Comme les gens de la mosquée Salahuddin à Montréal, hein, ou d'autres l'école Ali ibn Abi Talib, ils ont cette croyance-là aussi. Oui, non, c'est ça. Les gens, ils pensent que c'est une école chiite, mais c'est mélangé, en fait. Mais les responsables, c'est des Ahbash. Ouais. Donc, le cheikh, il dit, فَقَابَلَهُمْ طَائِفَةً. Donc, il dit, il y a une autre opposée à ce groupe-là. C'est ceux qui ont dit que Allah est nulle part. C'est-à-dire, ils disent pas Allah est nulle part, parce que s'ils disent Allah est nulle part, les gens vont dire, mais pourquoi vous ne croyez pas qu'Allah existe dans ce cas-là? Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils commencent à rentrer dans la philosophie. Ils disent, Allah n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas au-dessus du monde, il n'est pas en dessous du monde, il n'est pas relié au monde et il n'est pas séparé du monde. Il philosophise comme ça, il n'est pas devant le monde, il n'est pas derrière le monde. Toutes les différentes prépositions que tu peux imaginer, il l'a mis. Hein? En haut, en bas, à gauche, à droite, en avant, en arrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, ils énumèrent toutes ces différentes prépositions-là, puis ils les nient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réalité, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de décrire? C'est le néant. C'est quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas présent, hein, qui n'a pas d'existence réelle. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à Mahmoud ibn Subuktikin, hein, c'est un des shuyukh, Mahmoud ibn Subuktikin, c'est un des ulama, il a posé la question à un de ces gens-là qui fait partie des gens de Kalam, des philosophes là, qui nient l'existence d'Allah indirectement, qui nient les attributs, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il lui a posé la question et il lui a dit, quand il l'a entendu décrire Allah de cette façon, pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas... Il lui a dit, dis-moi la différence entre la divinité que tu adores toi et une divinité qui n'existe pas. Dis-moi la différence entre les deux. Hein? Il n'a pas pu répondre parce qu'il n'y a pas de différence. Hein? Allah al-Musta'an. Et il dit, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit. Hein? Cet exemple-là, il a été rapporté par Ibn Taymiyyah dans Ta'arud al-Aql wal-Naql. Dans son livre, le volume 6 à la page 253, il a mentionné cet exemple-là. Et les ulama, certains ulama ont dit, si quelqu'un te demande de décrire le néant, qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas trouver une description plus précise que cette description-là. C'est quoi le néant? C'est ça. Quelque chose, Il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Donc il n'existe pas dans ce cas-là. Hein? Donc ils adorent le néant. Hein, les gens de Kalam. Ces gens-là, en réalité, c'est des athées. Mais ils ne le disent pas explicitement. Ils n'osent pas le dire. Mais c'est ça la réalité. Le Dieu qu'ils adorent, eux, il existe seulement dans leur tête. Hein? Parce que les attributs, la façon dont ils décrivent le Dieu en lequel ils croient, eh bien, ce n'est pas les descriptions que Allah s'est donné lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il s'est décrit lui-même dans le Coran, il ne s'est pas décrit de la manière dont ces gens-là décrivent Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la preuve que ce qu'ils adorent en réalité, c'est le néant, ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh, il dit فَهَاُولَاءِ أَخْطَأُوا hein? وَهَاُولَاءِ أَخْطَأُوا. Donc ces deux groupes-là, ceux qui disent qu'Allah est partout, ils sont dans l'erreur. Et l'autre groupe, qui disent qu'Allah est nulle part, eh bien ils sont dans l'erreur aussi. Hein? Et souvent, vous voyez que ces deux groupes-là, c'est les deux groupes opposés, mais c'est des extrêmes. C'est comme l'exemple des hindous et des bouddhistes. Les bouddhistes, hein, ils disent, ils ne croient pas en Dieu. Pour eux, tout ce qui existe, hein, tout ce qui existe, l'existence, c'est ça Dieu. C'est ça la croyance de gens qui croient en Wahdatul Wujud. Ils disent, tout ce qui existe, c'est Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu, parce que tout est Dieu. Il n'y a pas de différence entre les idoles et yani, tout ce qui existe dans le monde. Tout ça, ça forme une seule chose et c'est Dieu. Tout ce qui existe, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, la terre, la mer, les êtres humains, les diables, les anges, tout. Tout ça, c'est Dieu. Hein? Tout ça, ça forme une seule chose et c'est Dieu. Tout ce qui existe est Dieu. Donc ça veut dire pour eux, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Le créateur, c'est la créature, et la créature, c'est le créateur. Les deux sont une seule chose. Ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et les hindous qui disent que, il y a différentes divinités, mais en même temps, ils disent que Dieu est partout et dans toutes choses. Donc ça revient au même. Hein? Donc tout ça c'est de l'idolâtrie, du shirk et du kufr, et c'est des croyances qui opposent la croyance des prophètes que Allah a envoyé à l'humanité. Et donc c'est pour ça, et c'est triste parce que c'est la aqida qui est enseignée dans la plupart des pays musulmans actuellement. Malheureusement, dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, tu vas aller dans les pays du Maghreb, les pays de l'Asie, ils sont sur cette aqida, la aqida des Asha'ira et des Maturidiya, hein, qui nient les attributs d'Allah. Et c'est ça qu'ils enseignent. En Égypte, Al-Azhar, tu vas trouver la même chose. La négation des attributs. Et ça, ça fait partie de leur croyance. Donc il faut faire attention, ce n'est pas des choses qui n'existent plus là, c'est des choses qui existent encore. Ces croyances-là sont encore enseignées dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits dans le monde musulman aujourd'hui. Hein? Donc il faut faire attention à ça. Et le cheikh il dit « Wa amma ahlu sunnati wal jama'a ». Ah oui, juste un point encore avant de continuer. C'est pour ça que si vous lisez des livres, par exemple, qui sont traduits en français, okay, et que vous voyez par exemple que les personnes, quand ils parlent de l'islam, regardez par exemple quand ils parlent à propos de Dieu. En général, ils vont diviser le livre soit selon les six piliers de la foi ou les cinq piliers de l'islam. Mais quand ils commencent, en général, ils commencent toujours par la foi en Dieu. Regardez comment ils parlent de la foi en Dieu. Est-ce qu'ils expliquent le tawhid, le tawhid dans la rububiyya, dans l'uluhiyya, dans l'asma wa sifat, ou bien ils parlent seulement de la rububiyya. Il y a des livres comme ça, tu lis, ils parlent juste que Allah c'est le créateur, c'est le maître, c'est lui qui contrôle tout, et il montre des preuves que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe. Puis après, quand ils mentionnent les attributs, ils vont mentionner soit 7 attributs ou 13 attributs. Si vous voyez les livres qui divisent les attributs, ils mentionnent seulement 7 ou 13, Ça veut dire, ça c'est des gens qui sont sur la aqidah des Asha'irah. Toute personne ou tout livre que vous lisez en français ou en arabe ou n'importe quelle autre langue, quand ils parlent des attributs d'Allah, ils disent Allah a 13 attributs. Si vous voyez ça, ça veut dire clairement que ça c'est un livre qui est sur la aqidah des Asha'irah et des Maturidiyah. Ça c'est pas la aqidah de Ahlus Sunnati wal Jama'ah. C'est une aqidah des gens de bid'ah. Et ces gens-là, qu'est-ce qui est malheureux? C'est que ces gens-là, ils prétendent, eux, représenter Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ils prétendent que ce sont eux, Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Et quand ils parlent des gens de la Sunna, les vrais, les gens qui sont sur la aqidah des Salaf, ils disent que ce sont des Mushabbiha, ou bien des Mujassima. C'est-à-dire Mushabbiha, c'est-à-dire des gens qui font ressembler Dieu à sa création. Ou Mujassima, ceux qui donnent à Dieu un corps, ou qui font, comme ils l'appellent eux, de l'anthropomorphisme. Alors que non, c'est faux. Les gens de la Sunna ne sont pas des Mujassima, ni des Mushabbiha. On ne fait pas ressembler Allah à sa création. On affirme à Allah ce que Allah s'est affirmé lui-même. Et on dit à propos d'Allah ce que Allah a dit, sur lui-même, dans le Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Et on l'affirme tel que Allah l'a affirmé, mais on nie toute ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc si Allah dit dans le Coran qu'il a deux mains, donc nous on dit qu'il a deux mains. Eux ils disent, oui mais là vous faites le tashbih, vous faites ressembler Allah à la création. Pourquoi? Parce que vous dites que Allah a deux mains. Mais Allah, il a dit dans le Coran qu'il a deux mains. Vous voulez dire quoi, vous? Qu'il n'a pas de mains? Vous ne pouvez pas dire qu'Allah, il n'a pas de mains, puisqu'il l'a dit dans le Coran qu'il a deux mains. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eux, ils déforment la signification des versets. Ils vont dire, non, la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. Ou la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce. Donc, tu leur dis dans ce cas-là, Allah, il a deux forces? Comment vous pouvez dire qu'Allah il a deux forces? Ou bien il a deux grâces? Comment vous pouvez dire qu'Allah il a deux grâces seulement? Allah il dit qu'il a créé Adam avec ses mains, avec ses deux mains. Allah il a créé Adam avec ses deux forces. Il a créé Adam, il a donné deux grâces à Adam. Il a créé Adam avec ses deux grâces. Non, ça fait pas de sens. Donc on dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, mais comme il le dit dans le verset, dans surat al-Shura, il dit, fussilat ou shura, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dans fussilat, il dit, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc on affirme qu'Allah, il a la main, mais comme il le dit, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comparable avec lui. Donc on affirme l'attribut, mais on nie la ressemblance. Donc on fait pas de tashbih, on fait pas de tajsim comme eux ils prétendent. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre, parce que des fois vous allez lire des gens qui critiquent la salafia et qui critiquent la aqidah des salaf. Ils disent, ah, vous êtes des wahhabis, vous êtes des wahhabiyoun. Et quand vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous reprochez à la wahhabiyya, comme vous le prétendez, la wahhabiyya, ça n'existe pas de toute façon à la wahhabiyya. Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est un savant parmi les savants salafis. Il a affirmé ce que tous les autres imams de l'islam ont affirmé avant lui, depuis l'époque des sahaba jusqu'à nos jours. Et on leur dit, oui, est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a ramené quelque chose de nouveau ou de différent de ce que les salafs ont enseigné? Et ils disent, oui, mais finalement, il fait partie des gens de tashbih, c'est un mushabbih. Les wahhabiyas sont des mushabbiha, ou bien les wahhabiyas sont des mujassima, des choses comme ça. Eh bien, ça c'est parmi leurs mensonges. Ça fait partie de leurs mensonges. Et donc on leur dit, non, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous dites? Puisque ce qu'on affirme comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les attributs que Allah s'est affirmé lui-même dans le Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah dans la sunna authentique, qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création, qu'il a deux mains, qu'il a deux yeux, qu'il descend au dernier des cieux pendant le dernier tiers de la nuit, et qu'il demande à ceux qui veulent l'invoquer, invoquez-moi, je vais vous exaucer, demandez-moi pardon et je vais vous pardonner. Et il le fait tel que cela convient à sa perfection et à sa majesté et à sa grandeur et à sa toute puissance, sans que cela implique une imperfection et sans que cela implique une ressemblance quelconque avec la création, parce que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh dit: wa amma ahlu sunnati wal jama'a fa qalu inna Allah ta'ala fawqa kulli shay'in wa laysa fi kulli makan wa la yahullu fi shay'in min makhluqatihi abadan, hal yadurru idha qulna inna Allah fawqa kulli shay' بدون إحاطة به, هل يضر الله شيئا؟ أبدا, ليس فيه نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, وهو واضح ولله الحمد ولا إشكال فيه, إلا donc le cheikh il dit, les gens de la sunna, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de toute chose, et il n'est pas, comme ces gens-là le disent, il n'est pas partout, contrairement à ce que ces gens-là prétendent. Quand ils disent que Allah est partout et dans toute chose, ça c'est du kufr, c'est du shirk. Allah n'est pas partout et dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il est au-dessus de sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mélangé avec ses créatures, et il n'y a rien des créatures d'Allah qui puisse l'envelopper ou l'entourer ou le cerner. Et donc, est-ce qu'il y a un mal quelconque de dire que Allah est au-dessus de toute chose sans que rien ne puisse le cerner? Est-ce que ça nuit en quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala? Non, il n'y a aucune imperfection dans cela. Et donc c'est pour ça, il dit le cheikh, nous disons alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute chose par son être et sa personne. Et ça c'est prouvé par le Coran, par la sunna, par le consensus, par la raison et par la fitra, par la nature saine. Et ça c'est une chose qui est claire et évidente. Et ça c'est, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème à comprendre ça, excepté celui pour qui Allah a aveuglé les yeux, il n'est pas capable de comprendre la vérité. Le cheikh il dit ensuite: fa in qala qa'il inna Allah ta'ala yaqul wa la yuhituna bihi ilma وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا يدل على أنه ليس له مكان, فإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان. قلنا: نعم, إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح, وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un posait la question et disait que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas le cerner de sa science, comme le verset 110 dans sourate Taha, ou le verset dans sourate ou dans Ayatul Kursi, dans Surat Al-Baqara, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, son repose-pied dépasse les cieux et la terre. Et il dit que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un endroit ou un lieu ou un espace. Hein? Il dit parce que ces créatures-là, hein, sont ces créatures et elles sont aussi vastes et aussi grandes et immenses. Hein? Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de lieu ou d'endroit ou d'espace. Le cheikh, il répond, il dit, on dit à ça que si ce que vous voulez dire, c'est que Allah n'a pas d'endroit ou de lieu ou d'espace qui l'entoure et qui le cerne, ça c'est vrai. Mais si vous voulez dire que Allah n'a pas d'endroit ou de lieu dans le sens qu'il n'est pas au-dessus de sa création, qu'il n'est pas au-dessus de toute chose, alors dans ce cas-là, ça c'est faux. Et on a donné l'exemple au dernier cours, l'exemple de la question que l'imam Ahmad ibn Hanbal a mentionné dans son livre « Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya ». Il a posé la question, il a dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il existait alors qu'il n'avait rien créé. Et ensuite, il a créé le monde. Il dit, est-ce qu'il a créé le monde à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Et il dit, s'ils disent qu'il l'a créé à l'intérieur de lui-même, ils ont mécru, ils ont commis le kufr. Ils ont dit une parole de kufr. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est créé en lui-même. Il n'y a rien qui puisse être créé en lui-même puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas créé. Il est parfait. Hein? Il est éternel. Il n'a pas de début ni de fin. Et l'autre possibilité, c'est qu'il a créé à l'extérieur de lui-même. Et ça, c'est la vérité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde à partir de rien, à partir du néant. Et on sait que le monde et tout ce qu'il comprend et tout ce qui le compose n'est même pas plus grand qu'un grain de sel dans la main de l'un d'entre nous. Donc, tout l'univers et tout ce qu'il y a dedans, c'est pas plus qu'un grain de sel dans ta main, hein, comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment pourrais-tu penser ou croire que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala serait enveloppé ou cerné par ses créatures? Ça, c'est ridicule. Et donc, il y avait une troisième possibilité que l'imam Ahmad a mentionnée, mais c'était aussi une possibilité qui est fausse aussi. C'est-à-dire, il disait, ou bien soit qu'il a créé le monde à l'extérieur de lui-même, puis qu'ensuite il l'a mis en sa personne, en lui-même. Il l'a intégré dans sa personne. Et l'imam Ahmad a dit, ça aussi c'est du kufr. Tu ne peux pas dire ça. Hein? Il n'y a rien de créé à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh dit والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بآية وهي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وفي الآية الأخرى قال تعالى وهو معكم أينما كنتم فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها وإذا قلتم هو معنا مع علوه فهذا هو المطابق للآيات والمعية لا تمنع العلو أبدا ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية القمر من أصغر مخلوقات الله يعني الفلكية وهو مع المسافر وغير المسافر انتهى كلامه وانظر إلى قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فأثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل وفي ذلك وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا إذ قد يكون الشيء من المخلوقات عاليا وهو معك فكيف بالخالق عز وجل. Donc le cheikh il a mentionné un autre point. Il a dit que ceux qui prétendent que Allah est dans toute en tout lieu et dans toute chose. Il se base sur un verset qui est le verset, par exemple, le verset 7 dans Surat al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes, excepté que c'est lui le quatrième, ni entre cinq, excepté qu'il est le sixième, ni par un nombre de personnes qui est moindre que cela, ou plus, excepté qu'il est avec eux, excepté qu'il est avec eux, là où ils sont, là où ils se trouvent. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hadid, le verset 4, « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et il est avec vous, là où que vous soyez, où que vous soyez. Donc certains, ils ont compris que ça voulait dire, yani, qu'il était par son être et sa personne en toute chose et en tout lieu. Et comme les imams des salafs ont expliqué à ce sujet-là, il est avec vous où que vous soyez par sa science. Il est avec vous où que vous soyez par son ouïe, par sa vue. Mais pas par son être mélangé avec ses créatures, présent en elle ou parmi elle. Comme le disent les bouddhistes et les hindous et les chrétiens. Allah al-Musta'an, et les autres peuples qui ont des croyances panthéistes ou des croyances d'idolâtres, d'idolâtrie. Donc le cheikh, il dit, le fait d'affirmer que Allah est avec sa création, ça ne nie pas qu'il est au-dessus de sa création. Il n'y a rien qui empêche ça. Et si vous dites que vous affirmez que Allah est avec sa création et vous pensez qu'il y a une contradiction avec le fait qu'il soit avec sa création et qu'il est au-dessus de sa création, alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous acceptez certaines parties des textes et vous abandonnez les autres textes. Et ça, c'est une contradiction dans ce cas-là. Alors que le cheikh, il dit, si vous dites qu'il est avec nous alors qu'il est au-dessus de sa création, eh bien c'est ça qui est mentionné dans les textes et c'est ça qui est en accord avec la révélation. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous malgré qu'il est au-dessus de sa création, eh bien ça ne contredit pas les textes et ça ne contredit pas non plus la réalité des choses. Même dans le langage courant, on dit par exemple, comme disaient les Arabes également à l'époque, ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana, c'est-à-dire on a voyagé et tout le long la lune était avec nous. Parce que yani, la lune est au-dessus, mais peu importe où tu es, elle te suit. Il mentionne une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Aqid al-Wasitiyya. Il dit, la lune, parmi les choses qui sont dans le ciel, parmi les astres, c'est une des plus petites. Et il dit que elle est avec le voyageur et avec autre que le voyageur. C'est-à-dire, celui qui est en voyage, il voit la lune, celui qui est chez lui, il voit la lune. Et ça, c'est un exemple qui est clair. Le fait que tu dises la lune est avec nous, ça ne veut pas dire qu'elle est mélangée avec toi physiquement. D'accord? Donc quand Allah dit qu'il est au-dessus de sa création, ça n'empêche pas qu'il soit avec nous également en même temps, par sa science, par son ouïe, par sa vue, et ainsi de suite. Et donc ça n'implique pas ce que les soufis prétendent. Et après le cheikh, il dit, وَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ, il dit, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'invocation du voyageur, il disait, ô Allah, c'est toi le compagnon dans le voyage et le successeur dans la famille. Dans le sens que lorsque tu es en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accompagne. Et lorsque tu es en voyage, tu laisses ta famille derrière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. C'est lui qui en est garant. C'est lui qui est garant de ta famille pendant ton absence. C'est lui qui les protège pendant que toi tu n'es pas là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il affirme que c'est Allah qui est le compagnon dans le voyage et qu'il est celui qui reste avec la famille dans le sens qu'il les préserve et qu'il les protège. Pourquoi? Parce que sa connaissance enveloppe toute chose et yani, c'est un des exemples de la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique qu'il suit le voyageur par sa science et il reste avec sa famille par sa science, il les surveille et les protège pendant son absence. Et donc, on peut dire que le fait de dire que Allah est avec quelqu'un ou qu'il est avec nous, ça ne vient pas en contradiction avec le fait qu'il soit au-dessus de sa création. Hein? Et il dit que c'est possible que des créatures soient très hautes ou très élevées et qu'elles soient avec toi. Alors, yani, dans ce cas-là, que dire du Créateur? Hein? Que dire du Créateur? C'est encore plus possible dans ce cas-là. Et même, par exemple, hein, tu vas dire, par exemple, à quelqu'un yani, qui va... Supposons que quelqu'un, il va aller pour faire un match quelque part, dans une autre ville, pour aller jouer dans un sport ou quelque chose comme ça, il va aller faire une compétition, hein? Ou bien quelqu'un, il va partir pour faire le hajj ou faire la umra, et toi tu lui dis avant de partir, hein, yani, je suis avec toi, va en paix, yani, je suis avec toi. Dans quel sens? Dans mes pensées, dans mes invocations, dans le sens que je te supporte, je suis d'accord avec ton projet. Je suis avec toi. Ça ne veut pas dire que je suis physiquement mélangé avec toi, fusionné avec toi. Hein? Donc ça, c'est important de comprendre. Donc ça, c'est ce qui vient conclure l'explication de Ayatul Kursi et tout ce qui est relié à ses bienfaits et aux points bénéfiques qu'on peut en tirer. Le Cheikh, il mentionne maintenant un autre verset ou une série de versets, et c'est les versets qui sont dans Sourate Al-Hashr. Sourate Al-Hashr 22 à 24. Et on va les lire ensemble. C'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yarhamukallah, il dit, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc la traduction de ces versets là, c'est les suivants, c'est la traduction suivante, le sens de ces versets, c'est lui Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il connaît le monde visible, il connaît le monde invisible et le monde visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le souverain, Al-Malik, le sanctifié, Al-Quddus, le pur, Salam, Al-Mu'min, le rassurant, Al-Muhaymin, ici ils l'ont traduit par l'observateur, je ne vois pas comment l'observateur peut être Al-Muhaymin. En tout cas, de toute façon, on va expliquer chacun de ces noms-là, un par un. On va l'expliquer, le cheikh il va les expliquer un par un, en détail. Après il dit, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar plutôt, c'est le fier, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Gloire et pureté à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. D'accord? Il faut savoir une chose premièrement, quand on mentionne la traduction des noms d'Allah, c'est que quand on traduit ces noms-là en français, là, c'est pas une traduction. La traduction des noms d'Allah, ça ne peut pas nous donner le sens réel et complet de ce que ces noms et ces attributs-là peuvent signifier en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on traduit, des fois on trahit. D'accord? Alors c'est pour cette raison-là qu'il est important de comprendre ces noms-là et qu'est-ce qu'ils signifient, premièrement, dans leur langue d'origine, c'est-à-dire dans la langue arabe. Et comment les ulama les ont expliqués et clarifiés, leur signification. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça ce qu'on va essayer de faire, inshallah, dans ce livre-là, puisque le cheikh, il donne beaucoup d'explications. Donc on va donner la signification de chacun de ces noms-là. Parfois, certains des noms d'Allah ont plus qu'une seule signification. Ils peuvent impliquer plusieurs sens. Mais quand on le traduit en français, on ne le traduit que d'une seule façon. Donc ça limite la réelle signification de ce que le nom peut avoir comme signification. Donc le cheikh il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ. Donc le cheikh il continue dans l'explication de la croyance des gens de la sunna وَالْجَمَعَ. Et il dit et nous croyons qu'il est, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il met le verset qu'il est هُوَ اللَّهُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ. Nous croyons que c'est lui qui est Allah. Nul ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc, il dit le cheikh qawluhu wa nu'minu bi annahu ay Allahu azza wa jal qawluhu Allahu alladhi la ilaha illa hu yani sabaqa al-kalam alayha sabaqa al-kalam alayha. Attendez juste un instant, on va voir à quelle heure le temps de la prière rentre. C'est 6h23, donc c'est dans quelques minutes, on va s'arrêter. Donc il dit le cheikh wa nu'minu bi annahu ay Allahu azza wa jalla wa qawluhu Allahu alladhi la ilaha illa hu sabaqa al-kalam alayha wa qawluhu عالم الغيب المراد به الغيب المطلق لأن الغيب نوعان غيب نسبي وغيب مطلق والغيب كل ما غاب عن الإنسان. Il dit فالغيب المطلق يختص الله بعلمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده فمثلا أنت الآن لك أشغال في نفسك فهي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Donc le cheikh il explique que rien ne mérite, il dit premièrement Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui, c'est-à-dire nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Le connaisseur du ghaib, c'est-à-dire de l'invisible ou de l'inconnaissable. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le ghaib? Il dit il y a deux sortes de ghaib, il y a deux sortes d'invisible. Il y a l'invisible qui est relatif et l'invisible absolu. L'invisible qui est relatif, ça veut dire certaines personnes, ça peut être inconnu pour eux et pas pour d'autres. Et l'invisible absolu, ça c'est qu'est-ce que personne ne peut connaître excepté Allah. Par exemple, certaines personnes peuvent savoir des choses du ghaib. Le cheikh il donne un exemple. Il dit, tu as des choses en toi-même auxquelles tu penses. Pour moi c'est un ghaib. Toi tu penses à quelque chose en ce moment dans ton cœur. Ça c'est ghaib pour moi, parce que moi je ne le connais pas. Hein? Mais ce n'est pas un ghaib pour toi. Parce que toi tu le sais, à quoi tu penses dans ton cœur. Hein? Donc Allah il le sait et toi tu le sais. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait partie du ghaib absolu. puisque ce rêve, il n'est pas rêve pour tout le monde. Hein, il n'est pas rêve pour, il est rêve pour certains, mais pas pour tous. Tandis que le rêve absolu, c'est le rêve que seulement Allah connaît. Personne parmi les créatures peut connaître excepté lui. Comme par exemple, certains des prophètes, Allah leur a révélé des aspects du rêve. Par exemple, certaines connaissances de des choses qui vont se produire dans l'avenir. Et ils nous ont avertis de ces choses-là. Donc ça, ça fait partie du rêve qui est relatif. Parce que certaines personnes ont eu la connaissance de ce rêve-là, pas d'autres. D'accord ? Il y a plein d'autres exemples comme ça, de choses qui peuvent être rêves pour un et non pour l'autre. Mais par contre, ce que Allah sait, seulement lui le sait. Ce qui est un rêve, le vrai rêve absolu, c'est seulement Allah qui le connaît, personne d'autre que lui. Comme par exemple, ce qu'il y a dans l'avenir et qu'il n'a pas révélé au prophète. Personne ne le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 65, dans surat An-Naml, dit au Muhammad, personne ne connaît, hein, personne de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le ghaib excepté Allah. Donc personne n'a le droit de prétendre connaître l'invisible absolu. Si quelqu'un le prétend, il est kafir, il est mécréant, il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, nul, dit au Muhammad, aux hommes, que personne, hein, personne parmi ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le ghaib excepté Allah. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui dit dans le Coran, hein, il y a un verset dans le Coran qui dit, قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible absolu. Parce qu'il dit, si je connaissais cet invisible, hein, le ghaib de l'avenir, et tout ce qui est dans l'avenir, j'aurais ramené vers moi que le bien et aucun mal ne m'aurait touché. Mais la preuve qu'il y a des choses qui lui sont arrivées parfois et des difficultés et des épreuves et des malheurs et des choses difficiles qui l'ont touché, même il s'est fait blesser même parfois dans certaines batailles, ça c'est la preuve qu'il ne connaissait pas le rêve. Parce que s'il le savait, il l'aurait évité. Hein? Donc il ne connaissait pas le rêve. Hein? C'est seulement Allah qui connaît le ghaib absolu. Falaw qala mathalan sayakunu ghadan kadha wa kadha qulna hadha kafir. Hadha kafirun idha qala ana a'lamu ma yakunu fi ghadin. Amma idha qala ana atakharras wa bina'an 'ala al-hawadith wal-majriyat أقول سيكون غدا كذا وكذا فهل هذا ادعى علم الغيب؟ لا. ولو قال وعليكم السلام ورحمة الله ولو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس علم الغيب. ولكن لو قال أنا أجزم أنه أي سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر قلنا هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن. Donc le cheikh il dit ici, par exemple, quelqu'un il dit demain il va avoir telle chose. Ça veut dire qu'il est mécréant. Comme ceux-là qui prétendent connaître l'avenir, les voyants, les médiums, les gens qui prétendent connaître pouvoir dire l'avenir des gens. Tout ça c'est du shirk et du kufr. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Autant tu vois dans les journaux, là, des fois les annonces, ils disent le grand voyant africain, le grand marabout. Hein, tu viens, je vais te dire qu'est-ce qui va t'arriver demain, est-ce que tu vas avoir ci, est-ce que tu vas avoir ça. Tout ça c'est du kufr, c'est de la mécréance totale. Et le cheikh il dit, celui qui dit moi je sais ce qui va arriver demain, il est kafir. Par contre celui qui dit j'essaie de deviner ce qui va arriver en me basant sur les événements et sur les choses qui se produisent, j'essaie d'anticiper ou d'imaginer qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas prétendre connaître l'avenir. Hein? C'est pas la même chose. Ça, c'est pas prétendre connaître le rêve. Mais si, ou bien par exemple quelqu'un qui dit ah, je pense qu'un tel il va venir demain, hein, et il se base sur qu'est-ce qui se passe par exemple, les situations et les événements, il essaie de deviner, il essaie de, hein, c'est comme ceux qui disent la météo par exemple, ils regardent le mouvement du vent, le mouvement des choses, puis ils disent hein, probabilité qu'il y ait de la pluie à tel endroit, à telle heure. Ça, c'est des probabilités. Ça veut dire c'est possible qu'il y ait de la pluie, il y a tel pourcentage de chance, mais ce n'est pas garanti. Hein? Donc ça, ce n'est pas prétendre connaître le raïb. Seulement Allah sait. Des fois, ils prédisent des choses et puis c'est le contraire qui arrive. Ils disent qu'il va pleuvoir alors qu'il fait beau. Des fois, ils disent qu'il va faire beau alors qu'il pleut. Ça, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas savoir le raïb. Hein? Mais si quelqu'un dit je suis déterminé, je suis certain que demain il va y avoir telle chose, et je le sais comme je sais le présent, ça, il a démenti le Coran dans ce cas-là. Et donc il dit wa qawluhu wash-shahadatu aydan ya'lamu 'azza wa jalla wash-shahada wa la yakhfa 'alayhi shay'un la mushahad wa la gha'ib. Donc on va s'arrêter ici. Le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il connaît le raïb, et il connaît qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui est divulgué. Hein? Comme il connaît le raïb, il connaît ce qui est apparent. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on continuera la suite de ça, Inch'Allah. Puis, on parlera des différents noms d'Allah. Et on va les expliquer qu'est-ce qu'ils signifient, Inch'Allah. Donc, on va faire le adhan. Puis, après la salat, on va faire tafsir al-Baqara, Inch'Allah. On continue dans notre tafsir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.